Salut à toutes et toutes, la tribu. Bienvenue dans la 83e Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite, mais aussi sur archive.org. Et oui, la tribu, c'est Spike et je débarque dans votre salon comme toutes les semaines à la même heure sur votre radio favorite. Merci pour vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Merci pour tous ceux qui suivent cette aventure depuis bientôt 2 ans. Et oui, cet été, je m'arrêterai un peu comme l'année dernière. On finira cette saison 2. Mais on a le temps encore, hein, ça ne sera pas avant le mois de juin. On commencera du moins cette émission avec du gros son Raise Your Horn, le nouveau Amon Amarth sur l'album Yom The King, sorti le 26 mars 2016. On retrouve Wanderer, On the Sea of Blood et Vengeance is My Name, un excellent album. Oui, je l'ai mis en nouveauté, c'est pas tout à fait nouveau, mais c'est un son qui passe bien. On poursuivra avec It Is So Beautiful. C'est Stellar Temple. C'est sur l'album Domestic Monster, sorti le 21 mai 2016. On retrouve Fucking Miles Away, My Gun et Sous le ciel du matin. Ils sont français et préparent un nouvel album. Hâte de vous faire découvrir. Et ils sont sur Facebook, Stellar Temple. Et ils sont aussi sur Bandcamp. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On poursuivra avec un petit reggae, Uptown Girl de Black Uhuru. C'est sur l'album Brutal, sorti en 1986. On retrouve Great Train Robbery, City Vibes, Reggae With You, notamment un excellent album qui vieillit très bien, du son culte. On poursuivra avec Dirty Dancing de Enhancer. C'est sur l'album Electroshock, sorti le 13 mars 2006. On retrouve Hot, La Pression en featuring avec Mars et 100 à l'heure. Un top album qui voit pas le temps passer. Et on finira ce bloc en live avec Hostile de Pantera. C'est sur l'album 101 Proof, sorti en 1997. C'est un compte rendu de la tournée 96-97. On retrouve Walk, Warner, Unbroken. Et les deux derniers titres de cet album-là sont en studio. We fought hard and prevailed. Pire Fric chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Cook and clean, take her to the show. She couldn't dance, go go. Take her to the club, she couldn't rub a dub. Take her to the beach, she want to get some tan. Take her back again, she love my bread in Mexican. Take her to the park, she can't stay after dark. Take her in my bed, she wants security instead. I could not feel her warm. When I check her out, I know she was a fraud. Check her out again, she want to go abroad. Offer her a cup, say she want gold cup. Give her gold cup, she say she might tear up. Every man has a chance, and don't you wax on your own. Promise her to choose, say if you win or lose. Every man I try, and judge I know why. Take her to my home, she couldn't cook and clean. Take her to the show, she wanted to go go. Take her to the club, she couldn't rub a dub. Take her to the beach, she wanted to get some tan. Take her back again, she loved my bread in Mexican. Whoa, life keeps changing. Changing. Vous êtes bien dans la 83e Vampire Flix et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient se faire un bon bloc là pour commencer. Raise Your Horn, le nouveau Amon Amarth. It Is So Beautiful, le nouveau Stellar Temple. Uptown Girl, de Black Uhuru. Allez sur la page Facebook de Stellar Temple. Uptown Girl, donc de Black Uhuru. Dirty Dancing de Enhancer. Et Hostile en live de Pantera. On continuera avec une autre nouveauté, Black Keys de Soul, nouveau Korn. C'est sur l'album Serenity of Suffering, sorti le 21 octobre 2016. On retrouve Insane, A Different World et Take Me, entre autres, un top album. On continuera avec une nouveauté et même une exclusivité, A News Day, le nouveau Acroma. C'est sur l'album Apocalypse Requiem qui sortira le 12 mai 2017. D'ailleurs, je remercie les Acromas de m'avoir envoyé cet exclu un mois avant, ça fait plaisir. On retrouve Kyrie, Lux Aeterna et In Paradisum. C'est le troisième partie du triptyque 7, comme les 7 péchés capitaux, et la scène sur les apôtres. Allez sur la page Facebook d'Acroma. Ils sont aussi sur Bandcamp et toutes les plateformes légales. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On continuera avec une autre nouveauté. On est venu de 100% collègues. C'est un EP, On est venu 4 titres, qui est sorti dernièrement. C'est un groupe formé avec des anciens membres de Zebda. On retrouve comme chanson Latrara, Varaveri, La Canaya et On est venu. Mais je préfère quand même Zebda. On continuera avec du vieux son. Sleep and Road Rock de Dillinger. C'est un 45 tours sorti en 2006. Sur la face B, on pouvait retrouver Tell Me the Truth. C'est un sacré DJ et un producteur de son culte. Et Dillinger, ça commence à être dur à trouver. Et on finira ce bloc en live avec Life is a Lemon and I Want My Money Back en live de Meatloaf. C'est sur l'album Bad Out of Hell 2. Back to the Hell, leur son 7e album sorti le 14 septembre 1993. C'est le second volet de la trilogie Bout Out of Hell. On retrouve I Do Anything for Love, Rock and Roll Dreams Come True et Wasted Youth, entre autres. Un bon album qui vieillit super bien. Just give me back my life. Bye.

Yeah. defective. It's never been to really last. What about your family? It's defective. All the batteries are shot. What about your friends? They're defective. All the parts are out of stock. What about home? It's defective. It's corroded and decayed. What about faith? It's defective. It's tattered and it's frayed. What about your gods? They're defective. They've got no warranty. What about your town? It's defective. It's a dead end street to me. What about your school? It's defective. It's a packing useless slang. What about your work? It's defective. It's a crack and then you die. What about your childhood? It's defective. It's been buried in the past. What about your future? It's defective. You can shove it in your dreams. I want my money back. Life is a lover. Life is a lover. Vous êtes toujours dans la 83e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un bloc qui arrache là. Blattis de Sol, le nouveau Korn, Agnus Dei, le nouveau Akroma. Allez faire un tour sur la page Facebook d'Akroma. Leurs trois autres albums, ils sont excellents. On est venu le nouveau 100% collègue Sleep and Road de Dillinger et on a fini ce bloc en live avec Life is a Lemon and I Want My Money Back de Meatloaf. On continuera cette émission avec une autre nouveauté, Perte et Fracas, le nouveau Tagada Jones, c'est sur l'album La Peste et le Choléra qui est sorti le 3 mars dernier. On retrouve La Peste et le Choléra, Morocon, Pas de Futur, un excellent album. Allez sur la page Facebook de Tagada Jones, ils sont sur Bandcamp et toutes les plateformes légales. Un petit like au passage, ça fait toujours plaisir. On poursuivra avec Girl Like You de Def Leppard, c'est sur l'album 10, c'est leur 8e album sorti le 30 juillet 2002. On retrouve Unbelievable, You're So Beautiful et Gravity notamment, un excellent album qui vieillit pas trop mal. On continuera avec Tune From The Moon de Guar, c'est sur l'album We Kill Everything sorti le 6 avril 1999. On retrouve Fish Fuck de Performer et Marianne, un excellent album. Ah, il manque un peu moi Guar avec leur costume improbable, il paraît qu'ils vont se reformer, la suite dans le prochain épisode. On continuera avec une autre nouveauté, Love Punishment de le nouveau Intox Leader. C'est extrait d'un album à paraître bientôt, des nouvelles très vite. Allez faire un tour sur la page Facebook de Intox Leader. Et ils sont aussi sur Bandcamp, ils sont sur YouTube. Allez-y, c'est du bon son. Et on finira ce bloc en live, avec Born to Rise Hell de Motorhead. C'est sur l'album Bastard, leur 11e album, sorti le 29 novembre 1993. On retrouve Burner, Death for Glory et Bad Winner. Un excellent album qui vieillit bien. Et cette chanson-là, Born to Raise Hell, je la dédicace à un vieux copain qui s'appelle, j'ai donné son pseudonyme, JPP22. Et lui, il se reconnaîtra. Bonne route, mon gars. Soyez mes enfants. girl in a prime of life, blinded by big city lights. I'm on fire and you're the flame. You inspire the road I take. You take me to a better place. You're the sun and I'm the rain. You're all that I need. Chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Vous êtes toujours dans la 83e Vampire Freaks et c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de s'écouter un bon bloc là. Perte et Fracas, le nouveau Tagana Jones. Girl Like You de Def Leppard. Tune from the Moon de Guar. Love Punishment, le nouveau Intox Leader. Allez sur la page Facebook de Intox Leader. Et on a fini ce bloc en live avec Born to Rise Hell de Motorhead. On continuera cette émission avec Guns of Briston des Clash. C'est sur l'album London Calling, leur troisième album sorti le 14 décembre 1979. On retrouve Brand New Cadillac, Spanish Bomb et Train in Vain. Enfin bref, que des tubes du son culte. On continuera avec Suikidikiye de PH7. C'était sur l'album Suikidikiye sorti en 1999. On retrouve Tamer, Urinator et Plein Gaz. Je remercie particulièrement Thierry Exbraya, le chanteur de Beta Bloqué, qui était aussi le chanteur de PH7 à l'époque, aujourd'hui malheureusement suspendu. Des bons souvenirs de concerts étant jeune avec ma sœur comme jeune chauffeur. Des très très bons souvenirs, des bonnes soirées. Hâte de vous revoir sur scène. Allez sur la page Facebook de Beta Bloqué. On continuera avec une autre nouveauté, Occident, le nouveau Jim. C'est extrait d'un album à sortir d'ici fin d'année. Des nouvelles très vite. Allez sur la page Facebook de Jim, J-M-M. On continuera ensuite avec Sweet Time for a Crime de Prime Sinister. C'est sur l'album The Breakfast Movie, sorti en 2016. On retrouve I Can't Change de God's Failure et The Wait, notamment. En concert le 23 juin à Cergy pour le Furious Fest. Et il prépare un nouvel album. Hâte de vous le faire découvrir. Et on finira ce bloc en live avec La Rage de Noir Désir. C'est sur l'album Où veux-tu que je regarde, leur premier album sorti en septembre 1986, et oui, la semaine dernière. On retrouve toujours Être ailleurs, Pyromane, Lola, un album qui s'écoute toujours aussi bien malgré ses 30 ans. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Techno Sound, Techno Groove. Techno. Send it forward. We'll be right back. Vampire Freak, chaque semaine à la même heure sur votre radio favorite et aussi sur archive.org. Vous êtes toujours dans la 83e Vampire Freak, c'est Spike qui débarque dans votre salon. On vient de se faire un super bloc là. Guns of Brighton des Clash, et après on a continué en son français, Suiki Dikie de PH7, Occident, le nouveau Jim, Sweet Time for a Crime de Prime Sinister, ils sont français aussi Prime Sinister, et la Rage de Noir Désir. Allez sur la page Facebook de Jim, Prime Sinister et Beta Bloqué. On continuera cette émission avec Guns of Navarone, bon, toujours dans les Guns. Tout à l'heure on a eu Guns of Brixton, maintenant Guns of Navarone. En live de The Special, et oui, parce que ce bloc-là il est spécial. C'est sur Dance Craze, sorti en 1981. C'est une compile ska avec Mirror in the Bathroom de The Beat, Lip Up Fatty de Bad Manners et One Step Beyond de Madness, notamment du très très très bon son. On continuera avec du son culte Hey Tonight de Creedence Clearwater Revival. C'est sur l'album Pendulum, leur 16e album sorti le 7 décembre 1970. On retrouve Pagan Baby, Chameleon et Have You Ever Seen the Rain, du son culte. On continuera avec Trouble Seeker de Cypress Hill. C'est sur Rise Up, leur 8e album sorti le 20 avril 2010. On retrouve Light It Up, Bang Bang et Take My Pain, entre autres, un magnifique album. On continuera avec encore du son culte Still Burning de Blue Oyster Cult. C'est sur l'album Evil Forbid, sorti le 24 mars 1998. On retrouve See You in Black, X-Ray Eyes et Live From Me. Je vous gâte cette semaine en son culte, hein. Donc Gloucester Cult. Et on finira ce bloc en live et en oi avec White Rover des Mahones. C'est sur l'album A Great Night on the Leash, sorti en 2014. On retrouve Paint the Town in Red, Give It All, et Give It All You Got, et I Wanna Be Sainted. De la super oi et en live, en live. Guns of Navarone. Vampire Freaks, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. say renegade, part-time psycho. Sipping on lemonade, don't want trouble, but I give it to you anyway. Yes, I'm insane, put you in pain. My mind is big train, deliver the fast lane. Should I slow down? Fuck it, speed up. You better take a hit from my weed, you need some. Roll hard, go hard, live hard, die hard. Break one, cap one, fake one, slap one. Break one, jack one, save one, gap one. Rise up, take me higher. Got my hands on the wheel and I'm never looking back in my rear view mirror. I'm a drug seeker. I'm a drug seeker. Can't eat or sleep in need of medical attention, I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm low on a chop with a midnight stalker, the great gun barker that don't like coppers, the mic lane backer, elbows coming at ya, middle of the pit called the chaos disaster, highest from Cypress, all around hypers, songs like these keep bringing up my prices, dog in the boot at the Bob Marley hood, I'll fall to the wall on the Davidson scooters. Go hard, go hard, live hard, die hard. Break one, cap one, fake one, slap one. Break one, jack one, save one, gap one. Rise up, take me higher. Got my hands on the wheel and I'm never looking back in my rear view mirror. I'm a truck seeker. I'm a truck seeker. I don't care about nothing if you see me coming, actions all clear. I'm a truck seeker. I'm a truck seeker. They say I'm crazy lately, I'm off the chain, don't touch me, baby. I'm a truck seeker. Can't eat or sleep in need of medical attention, I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a dead zone, listen in your headphones, carving out your headstone. You said you was dead wrong, hit you with the heat wave. Better learn to behave, these days we pass weak like a relay. Something like a handoff, can you really handle a couple more hits? Then you lit like a candle, we lead by example. You know that we're showing from you, trying to speak down to some people that are over you. Beat down over you, had to learn the hard way. Homies caught up slipping and we left them in the hallway. Wanna talk all day, shut them down late night. Motherfuckers wanna play, but you get stage fright. Got my hands on the wheel and I'm never looking back in my rear view mirror. I'm a truck seeker. I'm a truck seeker. I don't care about nothing if you see me coming, actions all clear. I'm a truck seeker. I'm a trouble seeker. They say I'm crazy lately, I'm off the chain, don't touch me, baby. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. Can't eat or sleep in need of medical attention, I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. I'm a trouble seeker. Vampire Frix, l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Lipstick, top dead gorgeous. smoking soul. Well, I've been a wild rover for many a year, and I spent all my money on whiskey and beer. Are you ready, rock and ring? Vous êtes toujours dans la 83e Vampire Freaks et c'est Spike qui vous accompagne. On vient de se faire Guns of Navarone en live de Special, Hey Tonight de Creedence Clearwater Revival, Trouble Seeker de Cypress Hill, Still Burning de Blue Oyster Cult, et on a fini ce bloc en live et en oi avec Wild Rover. D'ailleurs, je le dédicace à mon copain Brian de l'Assomption à côté de Québec, enfin du moins au Québec. Et oui, c'était 83e Vampire Freaks touche malheureusement à sa fin. Je vous remercie encore de l'avoir suivi. Laissez-moi vos messages et dédicaces sur la page Facebook de l'émission. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens. Continue à partager et à liker la page. C'est super sympa. J'ai pas vu les chiffres là. J'ai pas fait attention cette semaine. Je vous le dirai la semaine prochaine. Donc on finira cette émission avec Love in Them Der Hills de Mother Trucker. C'est sur la compile de Day After the Sabbath numéro 129 Mother Trucker. On retrouve 10 Second Song de Fancy, 25 Miles de Susan Schifrin et Super Witch de Punching Judy. Je passerai d'autres morceaux dans de futures émissions. Et donc cette 83e se termine. À la semaine prochaine, même heure, même endroit sur votre radio favorite, et surtout n'oubliez pas, Vampire Freaks, c'est l'émission radio où Spike débarque dans votre salon. Salut à toutes et tous, la tribu.